j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. Votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. Et salut, salut, vous êtes bien sur Radio Dio dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste mensuelle sur Radio Dio 89.5 FM tous les premiers mercredis du mois à 17h. Il est 17h04 et aujourd'hui on est mercredi 7 février 2024. Alors on va parler d'un bouquin, mais on va pas parler du bouquin du tome 3 de la Red Team. Ce bouquin qui sort aujourd'hui, qui est une initiative décidée par l'Agence de l'innovation de défense avec l'état-major des armées et la Direction générale de l'armement et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie dans le cadre du document d'orientation de l'innovation de défense. On ne va pas parler de ce bouquin, on va parler d'un bouquin un peu plus vieux qui a été édité en 83 et aussi d'actualité dans la Loire, d'actualités internationales. On va écouter quelques chansons antimilitaristes et se quitter en se donnant des rancards. Alors, on commence par parler de ce bouquin que j'ai pas fini de lire, mais qui, à la lecture de ses 150 premières pages, m'a inspiré quelques réflexions. Je vous en ferai pas une recension complète puisque j'ai pas eu le temps de le finir, mais je pense que ça vaut le coup. Pour l'introduire, commençons par deux devinettes. D'abord, je vous passe un extrait sonore. Faudra deviner qui parle. Attention, c'est un remix d'un discours un peu plus long. Le voici. Françaises, Français de métropole, de nos outre-mer et de l'étranger. En vous présentant mes vœux, je veux accompagner chacun de vous dans la poursuite de la guerre. Je suis convaincu que vous êtes au rendez-vous de la mobilisation. La poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements sur Gaza. Toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées et ont commencé à entrer en vigueur. Nous devons donc continuer ce réarmement de la nation qui privilégie les calculs électoraux, les petits arrangements. Affirmer la force des qui sèment le chaos. Déterminés, nous le serons, à agir pour amplifier notre réarmement industriel, le réarmement économique, le réarmement de l'État. Il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. Et c'est ce même combat que nous porterons à l'international. Qui sème le chaos. Et notre histoire tout entière nous enseigne que la volonté de quelques-uns peut abattre toutes les libertés. Tel est le cap. Et nous le tenons. 2024, année de la détermination. Qui sème le chaos. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. Nous serons déterminés à agir pour la peur du retour de la guerre, la force des bombardements. La force des bombardements. Détermination. Qui privilégie les calculs électoraux, les petits arrangements. détermination qui sème le chaos, parce que c'est nous. Et ouais, les premières personnes qui ont deviné que c'était Emmanuel Macron gagnent une place pour aller voir Big Flo et Oli. Il s'agissait d'extraits du discours d'Emmanuel Macron le 31 décembre 2023 pour nous souhaiter une très belle et heureuse année 2024. Attention, attention, plus dur, il s'agit de gagner des places pour Christophe Willem. Je vous lis un extrait de la page 89 de ce bouquin mystère. J'ai remplacé le nom de la personne à trouver par « il ». Restez attentifs. Multipliant les atteintes aux libertés, accordant une place de choix à sa police, il entreprend de modeler socialement le pays à l'image de l'armée. Prééminence des valeurs militaires, institution militairement organisée, instauration de la Légion d'honneur, il n'est pas jusqu'aux lycéens eux-mêmes qui, vêtus d'uniformes et entrant en classe au son du tambour, ne soient tenus d'obéir à une discipline de type martial. L'homme de guerre, venu par la guerre au pouvoir, va s'y maintenir par des expéditions incessantes. Alors, je sens qu'il y a plus d'hésitation sur cette question. Il va pas y avoir grand monde au concert de Christophe Willem. Ça valait le coup de recrépir toute la ville avec ses affiches orange. Alors, je vous lis l'extrait avec la réponse. Et même, je vais rallonger un peu l'extrait. Multipliant les atteintes aux libertés, accordant une place de choix à sa police, Napoléon entreprend de modeler socialement le pays à l'image de l'armée. Prééminence des valeurs militaires, institution militairement organisée, instauration de la Légion d'honneur, il n'est pas jusqu'aux lycéens eux-mêmes qui, vêtus d'uniformes et entrant en classe au son du tambour, ne soient tenus d'obéir à une discipline de type martial. L'homme de guerre, venu par la guerre au pouvoir, va s'y maintenir par des expéditions incessantes, livrant l'Europe tout entière à feu et à sang. Les ambitions de l'empereur, s'amplifiant au fil de ses succès, la réalisation de sa politique nécessite un nombre de soldats considérable. Le système de conscription mis en place par la loi Jourdan va y pourvoir. Et ouais, c'était pas Macron ni Wauquiez qui veut mettre des uniformes à l'école, mais bien Napoléon Ier. Notez qu'on aurait pu se tromper, vu comment Wauquiez veut habiller les jeunes et vu comment Macron parle comme un maréchal. Le livre que je viens de citer, dont je veux parler, s'appelle « Objecteurs insoumis, déserteurs, histoire des réfractaires en France ». Et il est signé de Michel Auvray, lui-même objecteur puis insoumis au service civil. J'en profite pour remercier les copains qui me l'ont prêté et m'excuser d'être aussi lent à la lecture, désolé, et je vous le rendrai quand même bientôt. Alors, je disais que j'ai lu les 5 premiers chapitres, et la lecture des 5 premiers chapitres m'inspire quelques réflexions. La première, tout de suite, c'est autour de la religion. Parce que son histoire des réfractaires en France commence aux premiers chrétiens, qui, sous les mots d'ordre « aimez-vous les uns les autres » ou « tu ne tueras point », refuseront de porter les armes de l'Empire romain et seront persécutés. Ce sera pour eux pendant des décennies une forme de résistance au pouvoir terrestre qu'ils comparent au pouvoir céleste, le pouvoir de leur Dieu. Mais il arrive quelque chose en 312. En 312, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Et à partir de ce moment, les chrétiens ne doivent plus refuser de servir le prince puisqu'il est un des leurs. L'alliance du sabre et du goupillon se concrétise très vite, si bien qu'à partir de 416, ce sont seulement les chrétiens qui sont autorisés à faire partie de l'armée. Alors c'est bizarre, les mêmes qui risquaient d'être excommuniés s'ils tuaient, s'ils s'engageaient dans l'armée, risquent désormais la même chose, l'excommunication, s'ils n'obéissent pas aux généraux. Cette alliance avec les possédants va durer plus ou moins jusqu'à la Révolution. L'époque à laquelle, comme l'Église est plutôt du côté du roi, elle se rangera du côté de la réaction et des chouanneries dans l'Ouest où on refuse de rejoindre les rangs de l'armée républicaine qui se bat contre l'Autriche. Par contre, quelques années plus tard, sous l'Empire, l'Église sera plus encline à collaborer pour les conscriptions de Napoléon qui, comme on l'a dit, a militarisé la société. Alors, c'est très vite dit. Vous lirez le livre pour en savoir plus, mais c'était une première réflexion à propos d'un pacifisme chrétien à géométrie variable selon que l'Église fait partie ou non de ceux que Michel Auvray appelle les possédants. Et à ce propos, c'est l'objet de la deuxième réflexion qui m'est venue à la lecture des 5 premiers chapitres. Tout le long, l'auteur montre bien que les pauvres en ont toujours pris plein la gueule. Des différentes taxes que les paysans subissaient en échange d'une protection des guerres que les nobles se faisaient entre eux. Mais aussi du prix du sang, que les plus pauvres payaient toujours, puisqu'à chaque appel, sous les drapeaux, sous les différents régimes, il y avait moyen de se faire remplacer en payant quelqu'un d'autre. Bien entendu, les plus pauvres, eux, ne pouvaient payer personne et donc devaient aller se faire trouer la peau, et des personnes encore plus pauvres acceptaient, à cause de la misère, d'être payées pour remplacer les plus riches. Il dira, page 41, « Autant le métier des armes est un honneur pour les possédants, autant les dépossédés maudissent la guerre et détestent les belligérants. » Il ne le dit pas comme ça, mais dans son Histoire des réfractaires, Michel Auvray décrit une solidarité de classe ou une solidarité de conditions. Il les appelle les dépossédés. Dans les communautés villageoises maudissant la guerre, ils feront preuve de beaucoup de solidarité en cachant les réfractaires, en s'ameutant contre les sergents recruteurs qui fouineraient dans les villages. Et ce rapport de force durera des siècles, si bien que dans l'Ouest, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, les différents pouvoirs politiques hésiteront à deux fois avant d'essayer d'y enrôler des hommes. Alors une petite pépite qu'on peut lire à la page 93, il faut juste le temps de la retrouver. Dans les Pyrénées, par exemple, la résistance prend une si grande ampleur que sur 100 conscrits appelés, on compte 42 déserteurs dans les Hautes-Pyrénées, 48 dans la Haute-Garonne, 86 dans les Basses-Pyrénées et 98 sur 100 dans l'Ariège. Parfois, c'est l'insurrection ouverte, comme le relate Agnès Van Paris. À Lisbourg, dans le Pas-de-Calais, 200 réfractaires s'insurgent et vont libérer 3 des leurs qui ont été arrêtés à Saint-Paul. Près de Saint-Omer, les conscrits ont prévenu la gendarmerie qu'ils ne partiraient pas. Si on veut les contraindre, ils sont armés et seront en mesure de se défendre. À Saint-Sever, les appelés se mutinent et déchirent les listes de conscription. Alors, voilà, solidarité de conditions parmi les villageois qui refusent de s'enrôler dans les différentes formes de conscription qu'il y a pu y avoir selon les monarchies, les empires et les républiques. Mais cette solidarité villageoise, cet antimilitarisme primaire sera ébranlé par différents coups de boutoir ces derniers siècles. Et ça amène à la troisième réflexion, mais avant, en fait, cet antimilitarisme primaire, il sera aussi ébranlé par la répression. En fait, Michel Auvray, il nous parle beaucoup de la répression du coup qui va s'abattre sur les réfractaires et déserteurs qui seront condamnés à des sanctions horribles. Par exemple, ils vont être condamnés au travail de force, ils vont être condamnés aux galères, ils vont être marqués au fer rouge dans les galères et mourir de leurs différentes amputations. Il relate aussi que le canal de Nantes à Brest a été creusé par des personnes condamnées du tribunal militaire. Une dernière chose, lorsqu'on parle des dépossédés, et il en parle aussi dans son livre, et là on saute jusqu'à la Troisième République, c'est que, mine de rien, c'est pas tout d'échapper à l'armée. Si on y arrive, tant mieux. Mais le capitalisme industriel se développe aussi les premières contestations ouvrières de ce capitalisme industriel. Et si on n'a pas pu échapper à l'armée, on va se voir contraint de tirer sur ses propres frères, de tirer lors de manifestations bien souvent pacifiques d'ouvriers en colère contre les conditions qu'ils vivent en tant que nouveaux prolétaires, nouveaux ouvriers du capitalisme industriel qui se développe. Et donc ça aussi, c'est encore un coup que se prennent les plus pauvres, qui ont réussi à ne pas aller à l'armée, mais qui voient leurs frères, qui eux n'ont pas réussi, en jouent avec le fusil devant eux et qui pourraient tirer. Alors ils relatent par exemple les émeutes qui ont eu lieu à Fourmies, dans le Nord, où il y a eu quelques morts, où l'armée a tiré sur les grévistes. Voilà, ça c'était la deuxième réflexion. Alors je vous avais dit, c'est pas une recension complète du bouquin. Et ben justement, avant de passer à la troisième, on va écouter une petite chanson. C'est la saison, les moissons avec les sabots de leurs coursiers. Ils sont venus à la maison, ils ont pris les garçons sans demander permission. Je les ai vus courber les chines sous les coups de fouet qui pleuvaient. Cordes d'acier bordées d'épines qui les mordaient, les saignaient. Non, non, non, non, ne me demandez pas, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Et tout là-haut sur la colline, la potence est dressée pour pendre ce qu'on a condamné. On y accroche au matin le mendiant qui a faim, le bandit de grand chemin. Celui qui dans sa misère voulut maudire le nom du roi, parce qu'on lui avait pris sa terre, son blé, sa réserve de bois. Non, non, non, non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Derrière chez moi, il y avait une fille que j'aimais et qui m'avait donné ses printemps. Mais un jour, on l'a emmenée pour aller assister à la noce d'un archer. J'ai vu les tours tomber la pierre, j'ai entendu les gens hurler. Son corps fut jeté sans prière sur le bas-côté d'un fossé. Non, non, non, non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. On vient d'écouter Les Archers du Roi. C'était une transition vers la troisième réflexion qui venait à la lecture du début du livre de Michel Auvray, Objecteurs, Insoumis, Déserteurs, Histoire des réfractaires en France. On a déjà parlé de la religion qui, lorsqu'elle est du côté du pouvoir, permet les exactions guerrières, aussi du rapport de classe qui fait des dépossédés les victimes des escarmouches des nobles, mais aussi qu'ils étaient solidaires, malgré la répression féroce qui s'abattait sur eux. Mais quand survient la Révolution, nous dit Michel Auvray, la bourgeoisie a besoin de l'adhésion des masses à sa politique et il va s'en suivre tout un conditionnement visant à assimiler le mythe patriotique à l'idéal révolutionnaire. Au loyalisme monarchique fait place une nouvelle religion, le patriotisme. Et cette nouvelle religion va continuer à faire des dégâts jusqu'à nos jours, notamment par le biais de l'école de Luc Ferry, qui va former de parfaits petits soldats revanchards et patriotiques, de quoi préparer l'effroyable hécatombe, 1914-1918, mais c'est le titre du chapitre 6 que j'ai pas encore lu. Notons au passage que ce triomphe du militarisme provoquera aussi un changement de conception de la journée de conscription dans les villages. Jusqu'alors, je vous l'ai déjà dit, tout le monde se cachait ou aidait à cacher les autres. Peu à peu, ça deviendra un rite. On ne résistera plus au sergent recruteur, on lui dira pas de se barrer. On ne défendra pas nos potes contre ce sergent recruteur qui nous vient de l'État. Peu à peu, ça deviendra un rite viriliste où l'aptitude au service équivaudra à avec des guillemets, bon pour les filles, on fera la fête, on sera fiers de devenir un homme, un vrai macho, quoi. Et du coup, on peut penser qu'il y a plein de causes à ce changement de situation, mais notamment peut-être cette nouvelle religion patriotique qui a fonctionné pendant du coup des décennies, qui s'est petit à petit implantée et qui a transformé ce devoir auquel les personnes voulaient plutôt échapper en un rite, comme j'ai dit, un rite viriliste où l'aptitude de service validait sa condition de mâle, etc. Bien sûr, il y aura des résistances du côté des anarchistes et des syndicalistes, notamment, j'avais déjà eu l'occasion de vous lire le Manuel du soldat qui avait été édité par la Fédération des Bourses du Travail et diffusé aussi par la CGT de l'époque. Michel Auvray relate aussi ces résistances à l'intérieur de ce chapitre 5 et je pense dans le chapitre 6, ça va suivre. mais on en a déjà parlé, on a déjà lu trois parties de ce manuel du soldat, une qui parlait de l'armée, une qui parlait du patriotisme et une qui parlait de la guerre et qui critiquait tout ça, bien évidemment. Mais bon, ça n'a pas empêché la fièvre cocardière de s'emparer de pas mal de monde et du coup d'aboutir à, titre du chapitre 6, l'effroyable hécatombe. Allez, une chanson de l'époque pour clore la description de ce bouquin, enfin des premiers chapitres de ce bouquin. On va écouter les Binamés qui nous chantent Révolte. Inès, quel quoi qu'il en aille, et de toutes les guerres, toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquaillent, et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, Ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste. Alors avant les binamés, on décrivait les premiers chapitres d'un bouquin de Michel Auvray, Objecteur insoumis déserteur, paru en 83 chez Stock. Pour introduire cette deuxième partie de l'émission, plutôt l'émission, la partie actualité, je vous passe un extrait de la matinale de France Bleu. Alors, c'était tôt le matin du 29 janvier, il me semble. Donc, tout le monde n'avait pas l'air très réveillé. J'ai rajouté un peu de musique pour donner un peu de punch. On écoute ça tout de suite. 7h45, est-ce qu'il faut assumer de mettre le paquet sur l'économie de guerre? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 04 77 10 00 10. Oui, on constate chaque jour les difficultés des Français à remplir le frigo. Alors, est-ce qu'il faut prendre le boulot là où il est? Ou bien il y a une question morale qui vous dérange? On en discute ensemble ce matin. Et avec vous, Patrice Fèvre-Dubose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de CFL, Chaudronnerie Fine de la Loire et Bloc Access, qui fabrique des barrières anti-voitures bélier, anti-terrorisme. Une vingtaine d'employés chez nous à Saint-Étienne. Je vous la pose, cette question. Et la morale dans tout ça, est-ce que ça vous gêne de participer à l'économie de guerre? Je parlerai plutôt de patriotisme, plutôt que de morale. C'est un engagement économique, on va y revenir, mais c'est un vrai engagement politique que vous défendez ce matin. Oui, si vous me posez la question, en effet, il y a les deux. La plupart des entrepreneurs de la Loire qui travaillent pour la défense sont patriotes. Pour avoir fait beaucoup de salons, les gens sont derrière leur armée et derrière leur drapeau. Voilà, c'est aussi le cas. Il y avait une centaine d'entreprises rassemblées avec l'armée à Saint-Étienne en fin de semaine dernière pour discuter des opportunités d'ici 2030 avec l'objectif de fabriquer du matériel, des munitions de guerre chez nous en France. Économiquement, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater pour vos entreprises. Ah, quel joyeux luron, ce Patrice. Eh ouais, et joyeux luron, toujours prêt à amuser la galerie, il était aussi en photo dans Le Progrès du 31 janvier, en encart de l'article qui s'appelait, un article bon enfant qui s'appelait « Les industriels ligériens sont invités à prendre les armes ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors le présentateur de France Bleu nous en a un peu parlé, il parlait de la semaine dernière, donc évidemment c'était il y a 2 semaines. Je vous lis l'article du Progrès. Aux armes industrielles ligériens. L'injonction n'a pas été formulée ainsi, évidemment. On pourrait rajouter un peu de musique de cirque aussi. Mais c'est quand même bien, en substance, l'incitation l'incitation que sont venus défendre, vendredi dernier, le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, le gouverneur militaire de Lyon, Denis Mistral, et Jacques Rousseau, chargé de mission PME-ETI Défense pour le compte de la Direction Générale des Entreprises. Le tout devant un parterre de plus de 140 entreprises locales au cœur, tenez-vous bien, et c'est tout un symbole, de l'ex-manufacture d'armes de Saint-Étienne, devenue notamment Cité du Design et École supérieure d'art et de design. Alors attends. Du coup, à l'intérieur de la Cité du Design, il y a 140 industriels de l'armement qui sont venus vendredi 26 janvier écouter le gouverneur militaire de Lyon, le préfet de la Loire, un chargé de mission PME Défense et aussi Thomas Gassiou. C'est pas dit dans l'article, ou peut-être que c'est dit plus loin. Il y avait aussi, du coup, un des députés de la 10e circonscription du Rhône, mais qui est aussi chargé d'affaires dans la défense. Je retrouverai sa page wiki après. Qui était tranquillement à la Cité du Design, à prendre des notes, on les voit en photo, et à écouter tout ce beau monde pour, bah, évidemment, pour l'économie de guerre. Pour les, comme nous l'a dit Patrice, ce joyeux luron, comme nous l'a dit Patrice, pour les opportunités. Les opportunités. Alors, si quelqu'un qui aime autant les opportunités, on ne peut pas l'appeler un opportuniste, je ne vois pas ce que ça peut être. Et on les voit, ces vautours, comme le cluster Eden, ce rassemblement d'industriels unis pour chasser en meute à l'export, se rassembler. À la Cité du Design, à Saint-Étienne. Et alors bon, par exemple, il y avait aussi le Cluster Eden. Le Cluster Eden regroupe quand même pas mal de membres notables dans l'industrie de l'armement. Il y a la société PGM qui vend ses fusils de précision à l'armée israélienne, la société Amefo qui teste ses blindages à Saint-Étienne qui appartient à la CCI. Il y a Elister qui continue de vendre des drones aux services secrets russes qu'ils utilisent contre l'Ukraine, malgré les embargos de 2014 et 2022. Metravib qui équipe des blindés turcs contre les populations kurdes en Turquie et en Syrie. Verne Caron Lebel qu'on ne présente plus à Saint-Étienne, bah si on peut quand même en dire deux mots, qui vend des lance-grenades un peu partout dans le monde pour mutiler et tuer des manifestants. Alors là, je suis devant un tract qui nous parle de la Thaïlande. Alors, c'est à vérifier. Dans le cluster Eden aussi, on compte Nobel Sport et tout un tas de beaux monde, dont quelques représentants ligériens étaient là. Alors, dans les représentants ligériens qui forment le cluster Eden, on a Verne Caron, mais on pourrait enquêter pour voir qui c'est que... Qui étaient ces 140 industriels? Bon, alors Patrice, il est très fier de nous montrer sa photo dans le Progrès. Lui, il est patron d'une boîte qui s'appelle CFL et Bloc, je sais plus quoi, Bloc Access. Alors, il ne fait pas encore dans la défense, mais il aimerait bien, nous dit-il dans son encart, augmenter son chiffre d'affaires de 50% grâce à la défense. Et il aimerait bien qu'il y ait une levée de fonds de son capital, de 25% de son capital, pour travailler pour la défense, ce qui nous permettrait de gagner en visibilité et bien sûr en chiffre d'affaires. Point, point, point. Alors j'imite pas très bien la musique de cirque, mais on pourra se la réécouter un peu plus tard. Alors voilà, étudiants, étudiantes de l'école du design, il semblerait que votre lieu d'études, votre lieu de rencontre, votre lieu de formation, d'apprentissage, soit aussi le lieu où tout un symbole, ricane le Progrès, soit aussi le lieu où les industriels de l'armement se sentent comme chez eux pour faire leurs affaires, pour flairer les opportunités, comme les charognards qu'ils sont. Peut-être qu'il faudrait le leur dire et ne pas laisser se reproduire ce genre de petit-déj pour hommes d'affaires. La question reste ouverte et ça donne envie d'écouter cette petite chanson de Boris Vian qui s'appelle « Le petit commerce ». J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canon à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde. Alors on a retrouvé la page de Thomas Gassius, député République En Marche, qui était aussi à la Cité du Design vendredi 26 janvier au matin, avec toute cette bande de militaires et d'industriels, de marchands de canons. Alors Thomas Gassius est relativement jeune puisqu'il a 42 ans, et c'est un député de la République En Marche, et il est aussi président, c'était ça le nom qui m'avait échappé, de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Si vous vous demandez s'il fait partie des gens qui ont voté la loi immigration, la réponse est oui, puisque c'est un député En Marche. Alors, à ce rassemblement, il y avait aussi une structure dont on avait déjà parlé la fois dernière, enfin, c'est pas moi qui en avais parlé, c'était l'enregistrement que je vous avais passé qui parlait du SNU. Alors, dans l'enregistrement, il y avait des personnes qui avaient bien bossé et qui parlaient des différentes structures qui servaient de faire le lien, qui servaient à faire le lien, pardon, entre l'éducation nationale, le rectorat et l'administration militaire. Et cette institution qui fait, enfin une parmi d'autres, mais qui fait pas mal de boulot, c'est l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, qui était aussi présente à la Cité du Design vendredi 26 janvier, et dont la vice-présidente de la Loire, Jocelyne Lemaître, nous a pondu un petit rapport récemment, 2023, qui s'appelle « Rapport sur l'économie de défense dans la Loire. Une politique publique en cours de construction ?» point d'interrogation, accompagnée d'une jolie image d'un canon Kaiser, dont les fûts sont produits à Firminy, on vous le rappelle. Et son rapport est divisé en deux sections, une section intelligence et défense économique et une section l'industrie de l'armement. Alors moi je me demandais c'est quoi l'intelligence économique. J'ai demandé à une pote et ben, elle m'a dit bah c'est de l'espionnage. Eh ben non, page 12. On note que l'intelligence économique doit être déontologique et loin des pratiques d'espionnage, de vol et de trafic d'influence. Eh ben non, alors c'est pas de l'espionnage. On peut lire la vraie définition qui est proposée par Jocelyne. Le premier volet consiste à avoir l'information pertinente sur ses concurrents, sur les règles et les normes, et d'une manière générale sur tout un environnement extérieur international. Bon, ça ressemble un peu à du vol et à de l'espionnage. Le deuxième volet consiste à sécuriser au niveau matériel et au niveau immatériel la propriété intellectuelle, les attaques sur l'image et le capital. Bon, ça a l'air d'être de se prémunir contre le vol. Et le troisième volet consiste à savoir influencer et argumenter, convaincre, négocier, faire du lobbying professionnel, mais également à savoir exercer l'influence normative en anticipant les règles et les normes internationales et en participant éventuellement à leur élaboration. Mais attention, ce n'est pas du trafic d'influence. Non, non, non. L'intelligence économique, ce n'est pas de l'espionnage, du vol et du trafic d'influence. C'est tout ce que je viens de dire avant. Rien à voir. Mais bon, c'est quand même un peu difficile de faire la différence. D'ailleurs, Jocelyne enfonce le clou puisqu'elle dira, page 19, elle citera encore quelqu'un d'autre. Son rapport, ça ressemble un peu à un rapport de stage de 3e. Du coup, quand c'est bien écrit, c'est pas elle. Alors, du point de vue national, l'État est pris entre deux feux. Il doit combattre la corruption pour des raisons évidentes d'image. Par ailleurs, il ne peut négliger les attentes politiques ou vénales de certaines parties prenantes lorsque l'obtention d'un contrat a des conséquences importantes en termes de souveraineté technologique ou retombées économiques. Il déploie donc des moyens techniques ou humains afin de préserver l'indépendance et l'attractivité des industries nationales d'armement. C'est en effet en fournissant à ces industries une aide concrète sur la connaissance des réseaux d'influence, des particularités techniques de la concurrence, une mutualisation des efforts de veille que l'État aide de façon morale, appréciez les guillemets, ces entreprises. Le soutien ainsi prodigué n'est pas sans intérêt pour l'État qui garantit ainsi, par l'indépendance et le niveau de ses industries de l'armement, sa souveraineté. La Direction Générale de l'Armement s'efforce quant à elle de mutualiser les efforts de veille de l'ensemble des PME et grands groupes du tissu industriel national. C'est ainsi que son département Intelligence Technique et Économique permet de garantir une veille efficace grâce à un puissant réseau d'informateurs professionnels parmi lesquels collabore occasionnellement la direction du renseignement militaire. Ça non plus, ce n'est pas de l'espionnage ni du trafic d'influence, ni de la corruption. Mais bon, vous comprenez bien, du point de vue national, l'État est pris entre deux feux. Voilà. Il doit quand même avoir des infos, les donner à ses entreprises. Mais ce n'est pas de l'espionnage et ça reste une façon morale d'aider ces entreprises. Puis vient le chapitre défense et culture. Mais alors on ne comprend pas bien si c'est défense de la culture ou culture de la défense. Réponse, les deux mon général. Jocelyne nous a fait quelques lignes mielleuses pour défendre la culture, le ballet, la musique populaire ou le slam. Pour défendre le sport, avec une petite citation de Père Drio pour faire beau. Et elle embraye sur ce qui est important, la culture de la défense. Alors, nous, on pourrait parler de culture de résistance ou de résistance de la culture. Mais non, ici, on parle de culture de la défense. Et il fallait que j'aille page 24. Eh bien oui, culture de la défense, ça passe par quoi? Par exemple, depuis 2018, le collège Thézenas du Moncel est le seul établissement stéphanois à proposer l'option Défense et sécurité globale installée par notre délégation. Donc notre délégation, vous voyez, ça illustre bien le côté intrusif de l'IHEDN à l'intérieur de l'école. Donc ils installent une option défense et sécurité globale et accompagnés par le groupement de gendarmerie de la Loire. Dans le cadre de leur parcours pédagogique, les élèves de cette classe de 3e ont participé à un escape game sport et mémoire à la maison de l'armée en mars 2021. Bon. Jocelyne Lemaître nous le dira, hein, de la même manière qu'elle nous a dit que l'intelligence économique ce n'était ni espionnage, ni vol, ni trafic d'influence. Quand on lui pose la question, elle nous dit « Nous ne faisons pas de propagande militaire, mais de la pédagogie. » Voilà, c'est ça qu'on fait à la maison de l'armée, on fait de la pédagogie, mais continuons. Ce fut un exercice à la fois ludique et citoyen pour perpétuer cet engagement en découvrant des parcours de sportifs de haut niveau pendant la Première Guerre mondiale grâce à l'exposition « Au sport, jeunes citoyens » du programme « Ambition, armée, jeunesse ». Voilà un petit exemple de ce que c'est que la pédagogie. Alors elle nous disait des belles choses sur la défense de la culture aussi. Non, je crois que c'était sur la culture de la défense. Voilà. Et la deuxième partie du rapport, du coup, est consacrée aux acteurs industriels de la défense. Elle va lister les principales boîtes qui bossent pour l'armée dans la Loire. Et si bien qu'elle va reprendre un concept d'une féministe dont on a déjà parlé, une féministe antimilitariste qui s'appelait André Michel, ou qui s'appelle toujours probablement André Michel. Ce complexe, ce concept, bah justement, c'est le concept de complexe militaro-industriel qu'on retrouve page 41. Donc à la fin d'une longue liste d'industriels proches de l'industrie de défense. Donc elle va citer Nexter, Thales, Jogam, mais aussi Vernet-Caron et plein d'autres boîtes. Aussi l'UJM, l'Université Jean Monnet. Les liens forts entre la Direction Générale de l'Armement, les ingénieurs à statut militaire et les entreprises de défense permettent de parler à juste titre de, entre guillemets, complexe militaro-industriel. La création récente de l'Agence de l'innovation de défense renforce le dispositif. Alors vous lirez les dernières pages qui nous enseignent pas mal de choses sur les industriels de l'armement de la Loire. Ce rapport, il s'appelle « Rapport sur l'économie de défense dans la Loire, une politique publique en cours de construction » par l'IHEDN, région lyonnaise, l'association des auditeurs du département de la Loire. Mais attendez, on a parlé de l'agence Innovation de Défense. Et oui, on en parlait aussi en début d'émission, l'agence Innovation de Défense, c'est parmi elles qu'on trouve les acteurs et actrices de ce fameux bouquin d'anticipation qui s'appelle La Red Team sur les guerres du futur, qui est en collaboration aussi avec l'université Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne littérature, je crois. Voilà, l'agence Innovation de Défense, l'IHEDN. On pourrait dire que ce sont des agences qui vont regrouper des intellectuels, il faut le dire vite, mais du coup qui œuvrent pour ce rapprochement entre l'armée et la nation, ce que Macron pourrait appeler la cohésion armée-nation, Macron ou n'importe quel chef d'État. Allez, on continue dans les actualités, toujours dans le progrès, un peu moins foufou, mais quand même, nos industries ont du talent. Ah non, alors là, c'est juste l'école. Alors on nous signale le progrès du 9 janvier, nous parle du lycée Le Marais Sainte-Thérèse. Apparemment, il est pas loin de Vernet-Caron, il est boulevard Adolphe Thiers, le lycée Le Marais Sainte-Thérèse. Eh bien, il propose un CAP agent de sécurité, ainsi qu'un BTS management, et propose du coup des stages variés, mais aussi des débouchés en termes d'emploi. L'établissement a conclu des partenariats avec la plupart des entreprises du secteur de la sécurité, ainsi qu'avec les institutions. Police, gendarmerie, pompiers, mairie de Saint-Étienne, organisateurs de festivals. Et oui, avec les risques terroristes et les Jeux Olympiques, on forme à la sécurité au lycée Le Marais. Ça, c'était un petit article du 9 janvier du Progrès. Et le Progrès, toujours, nous parle de nos entreprises de la Loire, des entreprises de autour de Roanne, à Riorges et à Neulise, donc pas très loin de Roanne. Les entreprises respectivement Enitex et Kraft Company font partie des entreprises sélectionnées par la région pour réaliser les polos et pulls qui habilleront les lycéens de 5 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de, vous l'avez deviné, dans le cadre de l'expérimentation napoléonienne de l'uniforme à la rentrée 2024. Alors il semblerait qu'il y ait des lycéens et lycéennes qui essayent de se mobiliser contre ce projet de Wauquiez de leur faire porter des uniformes bleu marine aux couleurs de la police. Voilà. En tout cas, le Progrès a l'air très fier que des entreprises de la Loire puissent travailler, enfin relever le défi. C'est quelque chose qui nous convient car on aime relever les défis, sourit le président de Initex. Relever le défi, du coup, de fabriquer Made in France ces futurs uniformes de la région. Voilà, bravo nos entreprises. Quel talent. On va quitter la région de la Loire parce que, bah, du coup, de l'autre côté, on va dire du côté antimilitariste, tiens, puisqu'on est dans une émission antimilitariste, du côté antimilitariste, on a une petite info qui nous vient de Toulouse. Bah, ce sont juste des personnes qui écrivent ceci. Nous sommes plusieurs à Toulouse à faire le constat du besoin d'un espace ouvert dans la durée pour se retrouver, échanger et s'organiser sur les questions liées aux guerres et au militarisme. Car souvent, la sidération et l'écrasement face aux horreurs nous empêchent d'agir comme on le souhaiterait. Et l'urgence de la situation nous empêche de prendre du recul. La plupart du temps, on n'entend même pas, ou très peu, parler des conflits armés, comme par exemple de l'actuelle guerre au Congo. D'autres fois, ils prennent tout l'espace médiatique, avec un ensemble de flux d'images assommantes, qui tentent à banaliser les horribles réalités qu'elles recouvrent. Avec une propagande bourgeoise qui cadre et dirige les réflexions et les mobilisations autour de ces carnages. Ainsi, nous sommes appelés à suivre un agenda médiatique, politique et émotionnel des guerres, et à surtout rester spectateurs des massacres. Cette propagande permet de justifier la militarisation ici, instauration du SNU, augmentation du budget défense, à nous préparer à d'éventuels conflits, à diviser la population et polariser les débats, avec une montée de discours et d'actes racistes décomplexés. Le renforcement de l'État et de l'économie capitaliste sont au cœur des guerres. C'est à la fois leur cause et leurs conséquences, ce qui les provoque et ce qui en découle. Ça passe entre autres par l'accaparement des ressources dans d'autres pays, la croissance de l'industrie militaire, le renforcement des frontières et la répression des migrants. La glorification de la nation, l'expansion des pouvoirs religieux et ou des territoires nationaux. Chaque guerre est différente suivant les contextes et les histoires. Leur dimension coloniale, la profonde asymétrie des conflits armés. Mais nous voulons toujours nous rappeler que celles et ceux qui décident des guerres ne sont jamais celles et ceux qui meurent sous les bombes. Ils sont enrôlés de force, se font violer ou sont contraints à l'exil. Nous souhaitons sortir de la lecture qui nous impose de prendre parti pour un camp d'oppresseurs, pour une nation qui serait homogène, mais rappeler que des bourgeois, des dirigeants, des entreprises en profitent dans chaque camp. Et nous voulons plutôt nous battre contre les États et ceux qui veulent prendre le pouvoir. C'est pour cela que nous voulons nous organiser en dehors des partis et des syndicats qui sont partie prenante de cette logique. Nous voulons avoir des prises pour nous bouger par nous-mêmes contre ce qui se passe. La guerre se fabrique ici, en France, et notamment à Toulouse, où l'industrie militaire foisonne sous sa couverture aérospatiale et ses nombreuses écoles d'ingénieurs. Lutter ici contre celles et ceux qui en profitent, en se nourrissant aussi de luttes passées contre cette industrie, les logiques nationalistes et patriotiques. Tisser des liens avec d'autres personnes qui résistent et s'organisent ici ou ailleurs pour lutter contre les guerres, que ce soit par des initiatives individuelles ou collectives, mais aussi échanger, pour imaginer des moyens de s'attaquer à la militarisation ambiante et sa propagande. Cet espace sera ce que nous en ferons. Alors, on propose de se retrouver pour discuter ensemble de tout ça. Eh ben, il et elle se sont retrouvés le mardi 30 janvier à 18h à Toulouse. Et on leur souhaite de se retrouver encore longtemps. Et ben pareil, on leur souhaite de lutter dans les termes qu'ils et elles décrivent. C'est chouette, du coup, de parler d'accaparement des ressources, de la croissance de l'industrie militaire, du renforcement des frontières, de critiquer tout ça. J'ai l'impression que ce qu'ils et elles voient à Toulouse, eh ben, nous sommes en train de le voir, de le vivre aussi à Saint-Étienne. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous lire cet extrait. Alors, dans les actualités, j'avais parlé de Saint-Étienne, de la Loire, je me suis éloigné jusqu'à Toulouse, je voulais m'éloigner encore un petit peu. Est-ce que j'ai le temps ? Ouais, j'ai le temps de donner cette petite info qui nous vient de l'OTAN. Donc c'est un peu loin l'OTAN. Et le temps que je la retrouve, j'ai qu'à passer une petite chanson. On va mettre Gribouille, tiens, qui nous chante Mathias. On écoute ça. C'est pas la croix, pas la bannière de saluer tous les amis et de graver sur une pierre que les copains s'en restent ici. Viens ton Mathias, il faut rentrer, cette fois-là c'est la dernière. Arrête Mathias de t'en pleurer pour trois copains morts à la guerre. C'est pas la croix, pas la bannière, une jolie gosse qui se marie. Et même si l'année dernière c'était à toi qu'elle disait oui. Viens ton Mathias, il faut rentrer, cette fois-là c'est la dernière. Arrête Mathias de t'en pleurer, ce n'est qu'un amour qui se perd. Tu parles trop, Mathias, il faut chanter. Tu nous ennuies, Mathias, il faut danser. Nous on s'en fout, Mathias, de ton passé. Et tes chagrins, Mathias, sont démodés, Mathias. C'est pas la croix, pas la bannière de se sentir le cœur griffé par trop d'épines et trop de pierres. Y a de la bière pour se chauffer. Viens ton Mathias, il faut rentrer. Cette fois-là, c'est la dernière. Arrête Mathias de t'en pleurer. À quoi ça sert d'être sincère? Tu parles trop, Mathias, il faut chanter. Tu nous ennuies, Mathias, il faut danser. Nous on s'en fout, Mathias, de ton passé. Encore un verre, Mathias, et va danser, danser, danser, danser, danser. On frappe dans ses mains pour notre ami Gribouille. Et l'on vous souhaite un joyeux et serein week-end à vous tous, amis d'ici et d'ailleurs. Ok, j'avais pas prévu ça. Donc c'était Mathias, interprété par Gribouille, une chanson des années 60. Et dernière info avant de se quitter, il est 18h, on est toujours le mercredi 7 février. Dernière info avant de se quitter, on revient... Ah ben non, j'avais dit que j'allais chercher cette info. Ok, c'est une info qui nous vient de l'OTAN. Alors, apparemment, à ce qui paraît, comme disent les jeunes, à Skip, il y aurait 90 000 soldats de l'OTAN en manœuvre en Europe, et ce serait le plus gros exercice depuis 1988, fait par l'OTAN. Et donc, parmi les 90 000 personnes, il y aurait 20 000 Britanniques, 15 000 Polonais et 10 000 Allemands. Du coup, tout ça des militaires, hein, qui feraient un exercice coordonné sur 4 mois, entre le 31 janvier et le 31 mai, depuis l'Atlantique jusqu'au flanc est de l'OTAN. Du coup, ça a l'air de faire un sacré exercice, hein. On avait parlé de l'exercice Orion, qui était mené par l'armée française. C'était pas du tout cette ampleur en termes de... Alors là, dans l'article, ils disent hommes, mais j'imagine que en termes de militaires, quoi, hommes et femmes. Mais du coup, ça a l'air d'être un sacré exercice, une sacrée répétition générale pour un conflit de haute intensité, comme il disait quand on parlait de l'exercice Orion planifié par l'armée française. Et ben là, c'est l'OTAN qui s'y met pour 4 mois, voilà, avec 90 000 soldats. Allez, on retourne à Saint-Étienne. Justement, un peu comme le disaient les camarades de Toulouse antimilitaristes, peut-être c'est cool d'arriver à créer des espaces où on cause, On cause de tous ces trucs angoissants et on arrive à les remettre à plat et à critiquer l'industrie de l'armement, la militarisation des esprits. Je sais pas si vous avez vu cette pub à Synthé qui disait faire de son métier une aventure. C'était une pub de recrutement de l'armée. Ben voilà, il y a un rendez-vous qui est proposé le vendredi 9 février, donc vendredi après-demain, à partir de 18h, au lieu qui s'appelle La Dérive, au 91 rue Antoine Durafour, à Synthé. Et alors, à 18h, il propose accueil, 19h, petit buffet prix libre, et 20h, projection du film The Lab de Yotam Feldman, paru en 2013, qui dure 60 minutes, sur l'industrie de l'armement en Israël. Et alors du coup, moi j'ai entendu parler de ce film parce qu'il y a un article de Mediapart qui est sorti le 31 janvier qui nous parlait des armes testées et approuvées, des armes de l'industrie de l'armement israélienne, dont les industriels étaient fiers de dire qu'elles étaient testées et approuvées. Et à la fin de cet article, il parle de ce... Mediapart parle de ce film The Lab qui a été tourné il y a 11 ans mais qui est d'une cruelle actualité. Voilà, donc ce sera probablement l'occasion déjà de voir ce film, de voir le cynisme des industriels de l'armement qui testent sur place leurs armes pour pouvoir les vendre, les exporter et donc se faire du blé. Et aussi j'imagine que ce sera l'occasion de discuter entre nous, entre vous, publics et spectateuristes de ce film à La Dérive. Je répète, ce sera le 9 février après-demain. Le lieu sera ouvert à partir de 18h. À 19h, il est proposé un petit buffet prix libre et à 20h, la projection de ce film qui s'appelle The Lab, tourné en 2013, produit par Yotam Feldman et qui dure une heure, suivi de discussion. Voilà, c'est le moment de nous quitter. Il est 18h. Rendez-vous au prochain premier mercredi du mois de mars. D'ici là, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte.